dans la clutch, avec Migos dans l'iPhone. Tous les jours j'esquive les mêmes guet-apens, mon frère, les mêmes kiffies. Me parle pas de partir en vacances, le terrain fait le même débit, hein. V'là l'époque, très très potes au fond la paire. Depuis petit peu c'est la guerre, j'vais grave pour ma paire de shoes. V'là l'époque, j'ai la vingtaine, c'est la merde. V'là l'époque, j'ai la vingtaine, c'est la merde. Merde.